te regarde. Mais comment a-t-on pu? Je te regarde. Je crois que c'est foutu. Au final, pourquoi on était ensemble, toi et moi? Quel était le fond de notre relation? Mais tu le détestes, t'en es même pour l'inverse. Et aucun point commun, hormis d'être humain. Enfin je ne sais pas ce qui me plaisait chez toi. Comment j'ai pu supporter ces absurdités. Y a des choses à changer. En se forçant un peu, on devrait y arriver. Une histoire d'amour, c'est une série de sacrifices. Des efforts tous les jours pour pallier tous nos vices.